encore cette équipe de dingue. Les uns manient tout type de rime, les autres manient tout type de flingue. Passe-moi le micro négro que je leur explique comment on kick avec le flow d'un criminel sur la chaise électrique. KR arrive les enfants, vous savez ce que ça veut dire. Que vos carrières sont très incertaines comme votre avenir. 34 reste notre nombre fétiche. Péter de la tête pour la zéro, appelle-moi oncle fétiche. Déjà mort, on t'arrache les ongles petit. Venu grailler du MC, la zec s'appelle bon appétit. Les enfants faites vos jeux, car on déboule quand vous vous y attendez pas. Capuche noire comme la faucheuse. KR est déjà mort, a-t-il la ESA. Tu peux finir comme ça dame et sa corps. En direct du cimetière, les pieds dans la brume, pleine lune. Dès la danse des tronçonneuses, du cercueil t'as une belle vue. UFC sur le beat, ça donnerait quelque chose comme ça. Penalty kick dans la bouche des apprentis gangsters. Déjà mort crew, des gars mortels, des mots d'amour comme nique ta mère. Venu en guerre pour foutre la merde, entrer par la porte de derrière. UFC sur le beat, ça donnerait quelque chose comme ça. Penalty kick dans la bouche des apprentis gangsters. Déjà mort crew, des gars mortels, des mots d'amour comme nique ta mère. Venu en guerre pour foutre la merde, entrer par la porte de derrière. Sans plus les crades, un peu comme le ghetto. Les cousines venez par là, on est venu pour vous gâter. Garantie gros son, gros up, elles veulent être punies, jambes écartées. KR Predat et The Guap on se plaque. Sur le beat c'est Mortal Kombat, c'est mortel comme d'hab. Le putain de rap qui casse les dents, nos détracteurs se nourrissent de compote. On pourrait méfier de la weed comme Snoop Dogg et faire des sons paltringues à base de motherfuck, non. Renoir ici c'est le crew déjà mort, un putain de gage de qualité. Hardcore à 100% plus qu'une garantie. C'est certifié, authentifié, pareil que dans la street les jeunes s'identifient à Tony. Mais quand je les vois j'ai le fou rire comme quand je mate Eric et Ramzy. On dirait que c'est toi le rappeur à la mode ces temps-ci. MC dis-toi que t'es juste ici en transit. UFC sur le beat, ça donnerait quelque chose comme ça. Penalty kick dans la bouche des apprentis gangsters. Déjà mort crew, des gars mortels, des mots d'amour comme nique ta mère. Venu en guerre pour foutre la merde, entrer par la porte de derrière. UFC sur le beat, ça donnerait quelque chose comme ça. Penalty kick dans la bouche des apprentis gangsters. Déjà mort crew, des gars mortels, des mots d'amour comme nique ta mère. Venu en guerre pour foutre la merde, entrer par la porte de derrière. Ok, yeah. Déjà mort crew 2005 UFC sur le beat, ça donnerait quelque chose comme ça. Penalty kick dans la bouche des apprentis gangsters. Déjà mort crew, des gars mortels, des mots d'amour comme nique ta mère. Venu en guerre pour foutre la merde, entrer par la porte de derrière. UFC sur le beat, ça donnerait quelque chose comme ça. Penalty kick dans la bouche des apprentis gangsters. Déjà mort crew, des gars mortels, des mots d'amour comme nique ta mère. Venu en guerre pour foutre la merde, entrer par la porte de derrière.